Chapitre 12e. Arrivé sur le lieu du meurtre, l'équipe commença à baliser la scène de crime. Le légiste, arrivé quelques minutes plus tard, confirma que la victime avait été tuée à bout touchant. La mort a été instantanée, pour la putette aussi, dit Volpi en préambule. À l'autopsie, le cadavre allait peut-être révéler des indices concernant l'assassin. Cherchez bien, on devrait retrouver le projectile dans le siège arrière. On découvrit effectivement l'impact de la balle dans le coussin arrière, mais il était préférable d'emporter le véhicule en y touchant le moins possible. Ce sera encore mieux si l'on osait amener aussi le cadavre encore volant, mais ça ne se fait pas, plaisanta Volpi. Le seuil de la mort franchi, les corps ont droit à un transport spécial. Pas de témoins, le chemin était peu passant. Seul le premier automobiliste parvenu sur les lieux juste après le coup de feu était en mesure de dire quelque chose. Il n'avait pas entendu la détonation, couverte par son poste de radio et ses vitres fermées. Il dit n'avoir rien remarqué dans le paysage sauf une vieille voiture bleu pâle qui se dirigeait vers Aix. Mais le véhicule était trop loin pour qu'il puisse l'identifier. À la forme de la carrosserie et à la couleur, il était pourtant presque certain que c'était un modèle ancien. La préméditation ne faisait aucun doute. Le fait que le coup ait été tiré à bout touchant excluait le tir à la volée. Depuis un buisson, par exemple. Il avait fallu immobiliser le véhicule. Comment ? Volpi pensa tout de suite que la victime connaissait son assassin et qu'elle s'était arrêtée d'elle-même. Mais lorsque le véhicule fut enlevé, on releva sur la chaussée une légère trace de gomme sur l'asphalte. L'anti-blocage des roues, ou peut-être la faible vitesse du véhicule, avait empêché des traces de freinage plus importantes. Malgré les recherches minutieuses, on ne retrouva pas l'étui de la balle tirée. Il a dû tomber sur la victime elle-même ou dans la voiture, et le tueur l'a récupéré, dit Pérez. À moins que le meurtrier ne se soit servi d'un revolver, dans ce cas, l'étui est resté dans le barillet. Eh, fit Volpi, c'est pas con ça, Petricoul. Tu mérites d'être lieutenant, Gary. Pérez n'en menait pas large. Elle éprouvait un sentiment de culpabilité et n'aurait pas su dire pourquoi. Après tout, si Anna s'était fait descendre, ce n'était pas de sa faute. Elle avait quand même l'intuition que le tueur était le même que celui qui avait refroidi l'ex-mari. C'était plus que probable. Et Volpi l'avait laissé entendre. Plus on tardait, plus il y aurait de cadavres. Du moins, c'est ce qu'on pouvait penser. Elle avait compris que Jejiga avait été écarté par le patron. Pourquoi ? Elle s'était peut-être plainte de l'attitude et des méthodes de son capitaine. Mais ce n'était pas pour cela que Pérez se sentait morveuse. Soudain, en se mettant en volant, et en voyant Synthèse à côté d'elle, Pérez comprit. Jediga lui avait manqué. Elle avait tellement l'habitude de la sentir à ses côtés dans une enquête. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait ou dit. Mais elle ne pouvait pas continuer à travailler en se passant de son petit lieutenant qu'elle considérait véritablement comme une grande fille ou une petite sœur. Elle se promit de recoller les morceaux et de faire amende honorable dès que possible. La vie était courte et il fallait la vivre avec le plus d'amour et d'affection possible. Quand l'équipe revint au central, Jejiga était parti. Tant pis, il faudrait attendre le lendemain. Un coup de fil au labo lui apprit que la recherche d'ADN n'était pas encore terminée, mais que tout serait prêt pour le jour suivant. Petit Negro, comme l'appelait Nadine, ou Victor pour les intimes, regagna son repère dans la soirée. Dès qu'il fut sûr de ne pas être épié par des yeux ennemis, il enfouit les billets qu'il avait gagnés dans sa cachette habituelle. Il ne lui manquait qu'une centaine d'euros pour se payer le flingue dont il avait besoin. Il pourrait bientôt aller trouver le vieux gitan dans sa caravane, assis sur un véritable arsenal. Toujours imaginatif quand il s'agissait de faire le mal, Victor avait supputé un plan diabolique. Dès qu'il aurait le flingue en main, il descendrait le gitan, histoire de voir si l'arme fonctionnait bien, et pour récupérer son pognon. Ça pouvait marcher. La caravane était isolée. Et ce n'est pas la détonation qui affolerait les populations. Si cela se passait comme il l'avait prévu, il reviendrait avec d'autres pour dévaliser la caravane. Ces derniers temps, il avait tenu une arme dans la main et le froid du métal ainsi que ses reflets bleutés lui avaient fait courir un frisson de plaisir sur la peau. Le vieux, comme à son habitude, s'assit avec précaution sur le seuil de la ferme et commença par éternuer 4 fois. Le compte était bon. La nuit allait tomber. Et c'était l'heure à laquelle il analysait sa journée passée, échafaudait les projets pour celle du lendemain. Le mistral était tombé, Le paysage entier prenait une teinte bleutée, s'accordant à la couleur pâlissante du ciel. L'homme avait conscience du violent contraste qui opposait le calme du crépuscule et la fièvre qui bouillonnait dans sa cervelle. Le deuxième volet de l'opération avait été effectué sans trop de difficultés, et il lui restait maintenant à terminer son boulot. Jusque-là, il pensait avoir fait un sans faute. Il prendrait son temps pour ne rien laisser au hasard, et pour faire son job de la façon dont il l'entendait, non pas comme ses connards l'avaient prévu. Après, peu lui importait ce qui arriverait. Il pourrait profiter de son pognon en attendant son heure dernière. Martha l'appela pour la soupe. Il s'assit lentement à la table de bois, saisit sa cuillère et regarda d'un œil distrait la télévision à laquelle il ne comprenait rien. Avant d'aller se coucher, il demanda à Martha, dans sa langue maternelle, de lui acheter le lendemain une paire de gants en caoutchouc en allant faire ses courses. En entrant dans son bureau sur les 8 heures du matin, le capitaine Pérez fut étonné de ne pas trouver Jejiga, alors qu'il arrivait d'ordinaire avant elle. La première personne qui entra fut le patron. Après une poignée de mains musclées, Volpi s'assit et entra tout de suite dans le vif du sujet. « Pérez, je voudrais que vous me disiez exactement quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à aller dîner avec un éparo. »« Bah, » dit-elle en dégageant son front, « il m'avait invité à dîner. J'ai cru que dans une relation indépendante de l'affaire, je pourrais plus facilement en tirer quelque chose de lui. Bon, ok, je veux bien. Mais à votre avis, quelles étaient ses motivations à lui ?»« C'est assez simple à comprendre, mais difficile à dire. Je lui plais. Enfin, je crois bien. » Vous avez accepté cette invitation alors que vous saviez pertinemment qu'il était impliqué dans le meurtre d'Anzilotti. C'est son arme qui a servi et ce sont ses empreintes qu'on a relevées. Vous avez donc accepté de dîner avec un suspect. Je sais, mais je pensais que ça ferait avancer l'enquête. Or, apparemment, ça n'a rien fait avancer du tout. Vous êtes persuadé que vous lui plaisez. C'est bien féminin, ça. Mais il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il pouvait essayer de vous mettre dans sa poche pour faire de vous une alliée. « Évidemment. Mais qu'est-ce que ça change à l'affaire ?»« Ça change qu'il semble avoir réussi. On sent bien que vous essayez de le disculper en cherchant des preuves à décharge. » Pérez commençait à s'échauffer. L'entretien prenait un tour qui ne lui convenait pas. Elle trouvait les insinuations de Volpi à justifier. Elle réagit un peu sèchement. « Mais c'est n'importe quoi, patron. Vous n'avez qu'à le déférer tout de suite devant le juge. En forçant un peu, il en prend pour 20 ans et la messe est dite. L'enquête est close et tout le monde est content. » « Bien répondu, capitaine. Je ne peux pas vous reprocher d'avoir agi un peu en franc-tireur, vu que je l'ai fait moi-même une 50aine de fois. Mais j'aurais simplement aimé que vous me mettiez au courant avant. » « Et vous m'auriez donné le feu vert, patron ?»« Oui, parfaitement. Vous savez bien que je ne suis pas très rigoriste sur les méthodes, et pour dire la vérité, vous avez monté dans mon estime, capitaine Pérez. » Pérez se leva pour se dégourdir les jambes et respirer plus à son aise. Volpi, resté assis, la détailla discrètement. Il était bien bâti, avec un léger embonpoint dû à l'âge, mais sa grande taille le faisait oublier. Elle avait un charme un peu masculin, à la façon des filles du Nord. C'est sûr que sa beauté était aux antipodes de celle de Jejiga, petite et fine comme un tanagra. Cela lui fit penser qu'il voulait aussi parler du lieutenant. Il m'a semblé qu'il y avait une légère tension entre Moussaoui et vous. Je trouve que c'est ridicule. « Je peux vous assurer qu'il ne m'a rien dit au sujet de votre rencard avec Aneparo. C'est vraiment le hasard qui a fait que nous étions là hier soir avec mon épouse. Quant à votre façon de mener l'enquête, je lui ai clairement fait comprendre que j'en étais seul juge. »« Bien, » dit simplement Pérez. « Je veux que vous dissipiez ce malentendu l'une et l'autre. Votre tandem est un des piliers de l'équipe, il faut qu'il le reste. » Volpi se leva et se plaça en face du capitaine, les mains dans les poches. Vous avez bien fait de me parler de ses problèmes de santé, même si ça ne lui a pas fait plaisir. C'était votre devoir en tant que chef d'équipe. Elle est un peu perturbée en ce moment, on le saurait à moins. Je sais que vous vous inquiétez pour elle. En tant que responsable et plus âgé, je crois que vous devez faire les premiers pas pour ramener la cohésion de l'équipe. C'est bien ce que j'avais l'intention de faire, patron. Il n'y avait pas 5 minutes que le commissaire avait quitté le bureau quand Jejiga fit son entrée. Nonobstant la mine peu engageante de son lieutenant, Pérez la prit par les épaules et se prépara à l'embrasser, mais Jejiga recula son visage. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Habituellement, tu arrives toujours avant moi. » Devant le mutisme de Jejiga, Pérez, qui n'avait toujours pas lâché les épaules de sa subordonnée, lui susurra à l'oreille. « Je voudrais faire la paix. » Tu m'embrasses quand même ? Jojiga réussit à se dégager, s'assit et regarda calmement le capitaine. Cette dernière sentit qu'il fallait qu'elle donne d'abord quelques explications. « Écoute, j'ai parlé avec Volpi. Il m'a certifié que tu n'étais pour rien dans sa présence au resto hier. Il m'a aussi reproché de ne pas lui avoir parlé de l'invitation de Kaneparo. C'est toi qui avais raison. Je te demande de me pardonner. Voilà, je ne peux pas faire plus. » Sans rien dire, Jejiga se leva et vint piquer une bise sur la joue de Pérez. Mais son regard était toujours triste. Pérez la reprit par les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Il y a autre chose, dis-moi. »« Il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que ma tumeur n'est pas cancéreuse. Le mauvais, c'est que l'opération va être super délicate. Le chirurgien que j'ai vu ce matin ne m'a rien caché. Toi qui es catholique, tu peux mettre un énorme cierge pour moi, la bonne mère. » Pérez la prit dans ses bras et la secoua doucement comme pour la bercer, puis elle l'embrassa sur le front. « L'opération est prévue pour début décembre, » dit Jojiga. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ta mère. Je l'amènerai à l'hôpital, je lui ferai les courses. Tu verras, je prendrai la relève. »« Merci, c'est gentil, » murmura Jojiga. Le lieutenant se dégagea doucement de l'étreinte de Pérez et un vague sourire effleura ses lèvres. « Je crois que le mieux, » dit le lieutenant, « c'est qu'on bosse. Ça nous empêchera de penser à autre chose. » « Comment ça s'est passé hier pour l'ex-femme d'Anzilotti ?»« Oh ben, c'est bien simple. Elle s'est fait descendre au volant de sa voiture, une balle dans la tête à bout touchant. Et les premières constatations ? Pas grand-chose. Si ce n'est que la balle qui l'a tuée est dans le coussin arrière. Ils ont emmené la voiture pour l'analyser plus commodément. » L'assassinat ne fait pas l'ombre d'un doute, mais là, comme pour le meurtre de son ex-mari, on bute sur les mobiles. Le mobile est peut-être le même que pour son ex-mari. On peut supposer que c'était au couple qu'on en voulait, pas seulement Anzilotti. Qu'est-ce qu'ils ont bien dû fricoter, ces deux-là ? Va savoir. Le labo va passer au peigne fin les vêtements de la femme. Le légiste s'occupe du corps et peut-être qu'on trouvera quelque chose, mais rien n'est moins sûr. La conversation tomba. Chacune des deux femmes réfléchissant à l'enquête. Puis soudain, Jojiga se frappant le front. « Au fait, je ne t'ai pas dit au sujet de Pronzati. Il affirme que personne n'est venu quand Kaneparo était à la pêche le jour de la mort d'Anzilotti. Enfin, si on admet que Kaneparo était effectivement absent. J'ai remarqué les traces de roues de vélo, peut-être de mobilette dans la cour de la villa. Pronzati n'a pas ce genre d'engin, et j'ai pensé que c'était peut-être celui du facteur. » Or, d'après Pronzati lui-même, le facteur n'est pas venu jusqu'à la villa depuis. D'ordinaire, il s'arrête au début du chemin, à la boîte aux lettres. « Ah !» fit Pérez, songeuse, une mobilette. « Ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à relier cette image à quoi que ce soit de concret. » « Moi non plus. Mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un en mobilette est venu voir Pronzati ou Kaneparo pendant ces derniers jours. Or, souviens-toi, la veille de l'assassinat d'Anzi, il avait plu. Et la terre devait donc être molle. Je suis sûr que ces traces datent de ce moment-là. Oui, oui, oui, murmura Pérez. Ce n'est pas beaucoup, mais qui sait, ça pourrait expliquer bien des choses. Tu vois, tu apportes de l'eau à mon moulin. On peut penser que quelqu'un d'étranger est venu. Et qu'il a volé l'arme de Kaneparo. Merci, Père Noël. Arrête. À part ça, qu'est-ce que tu as pu tirer d'autre de ce Pronzati ? Rien. Sinon qu'il dit qu'il ne vient jamais personne. Alors je me demande bien comment ces traces de roues ont pu arriver là. Tu sais, Jojiga, tu m'as manqué hier pour le meurtre d'Anagafaro. J'avais l'impression d'être toute seule. Et pourtant, ce n'était pas le monde qui manquait. Tu croyais vraiment que j'allais t'en vouloir toute la vie, comme tu me connais mal. L'après-midi, Kaneparo arriva à 14 heures précises à l'hôtel de police, tout habillé de noir, peut-être pour porter le deuil d'Anna. En tout cas, il avait l'air d'un parfait mafioso. L'équipe s'était mise d'accord pour l'interroger. C'est l'èbre qui s'y colla le premier pour le cuisiner. On appelait l'èbre le lièvre, d'abord parce que c'est la signification de son nom en provençal, mais aussi à cause de son physique. Ses longues oreilles décollées étaient bien visibles sur son crâne rasé, et ses dents en avant accentuaient encore sa ressemblance avec le rongeur. De plus, il marchait en sautillant, comme s'il était monté sur des ressorts. À part cela, sa gentillesse n'avait d'égal que sa patience. Il mit Kaneparo à l'aise et s'adressa à lui d'un ton affable et bon enfant, l'air de dire que ce n'était pas bien méchant, Ce n'était qu'une formalité et on en aurait terminé bientôt. Alors, vous vous appelez Biagio Caneparo et vous êtes né le... L'interrogatoire réglementaire avait commencé, doucement, cordialement. Puis, le lièvre en vint au cœur même de l'interrogatoire. Vous savez que les faits sont contre vous, monsieur Caneparo. C'est votre arme, avec vos empreintes, qui a servi à assassiner votre associé. Mais ça ne veut pas dire que vous l'ayez tué. Reprenons les événements. Caneparo se renfonça dans son siège et croisa les mains sur sa ceinture. Je vois que vous le prenez calmement, je préfère. Le jour du meurtre, vous avez été à la pêche à Saucelles-les-Pins. J'ai enquêté la Bayère, et j'ai heureusement trouvé un vieux monsieur qui vous a vu arriver un peu avant 8 heures du matin sur le port. Vous avez garé votre votre voiture, à l'est du port, sous le banc public bleu-blanc-rouge, vous savez, celui qui a été offert par le Sénat. Le vieux s'en souvient très bien, d'où l'avantage d'avoir un véhicule remarquable. Puis il a vu votre bateau, le San Gennaro, sortir du port. Jusque-là, parfait. Seulement, vous dites être rentré vers 17 heures. Mais là, je n'ai trouvé personne qui vous ait vu. Pourtant, je suis bien rentré à cette heure-là. Un mauvais vent d'est s'est élevé et il commença à faire frisquet. En arrivant à Aix, je suis allé voir Anna pour lui donner une 20aine de dorades. « Vous êtes pêcheur, monsieur le lièvre ?»« Lèbre. Le lièvre, c'est mon surnom. Non, je ne suis pêcheur que devant l'Éternel. Je ne mange ni poisson ni viande. Mais quel est le rapport ?»« Parce que si vous pêchiez, vous sauriez qu'il est difficile de remonter une 40aine de dorades à la ligne, en 2 heures de temps, et surtout en amorçant la moule. »« Ok, vous avez peut-être raison. » En fin de matinée, vous avez appelé votre gardien Pronzati. Ça, nous en sommes sûrs, puisque vos portables à tous deux ont gardé la trace de ces appels téléphoniques. Vous avez également appelé un numéro vers 17h30. Ah oui, mais je ne m'en souvenais plus. En rentrant sur Aix, j'ai appelé Berthier, pour lui dire qu'il pouvait regretter de ne pas être venu avec moi. Je lui ai proposé de lui porter 5 ou 6 dorades, mais il m'a demandé de les garder pour faire un barbecue samedi matin, chez lui, en invitant Anzi. Ok. Mais on n'a pas pu localiser l'appel. Vous avez très bien pu téléphoner d'Aix. Ainsi, rien ne prouve que vous ne soyez pas revenu vers midi. Vous pouviez supposer que Pronzati serait absent, ce qui vous permettait de prendre votre fusil, à moins que l'arme n'ait été dans votre voiture dès le matin. Caneparo déplaça ses mains et se massa les genoux. Signe de déstabilisation, se dit Lèbre. De toute façon, Pronzati, vous êtes tout acquis. Il a une dette de taille envers vous, n'est-ce pas ? Caneparo leva les sourcils et avança les lèvres pour montrer son ignorance. « Allez, monsieur Caneparo, ne me dites pas que vous ignorez que votre homme de confiance, bonjour la confiance, a été condamné 20aine de fois par les justices françaises et italiennes pour contrebande, vol, recel et j'en passe. »« Peut-être, » reconnut Caneparo, « mais je ne pense pas que, depuis qu'il est avec moi, la justice ait quoi que ce soit à lui reprocher. »« Certes, vous lui avez offert la possibilité de se mettre définitivement au vert. » Mais reconnaissez avec moi qu'il n'est pas blanc-bleu. Avec un juge un peu coincé, son témoignage ne vaut pas tripette. Puis Lèbre ouvrit son portable et se leva en le collant contre son oreille. « Excusez-moi. »« Ah, d'accord. J'arrive. »« Je reviens tout de suite, monsieur Caneparo. Excusez-moi encore. » Juste quelques secondes plus tard, c'est Jedjiga qui revint et s'assit au bureau. « Mon collègue a une urgence, » dit-elle. « Je prends la suite. » Caneparo la couva d'un œil attendri, comme un grand-père devant sa petite-fille, ce qui mit d'emblée le lieutenant de mauvaise humeur. Elle voulait bien qu'on la regarde, mais qu'on la considère comme une femme et non comme une enfant. Bon, reprenons, monsieur Caneparo. Dans la cour de votre villa, dans une partie qui n'est pas garbillonnée, j'ai relevé des traces de 2 roues, des pneus plus gros que ceux d'un vélo. Ces empreintes peuvent correspondre à une mobylette, par exemple. « Est-ce que quelqu'un vous rend visite de temps en temps et utilise un tel engin ?»« Non, je ne vois pas. »« Le facteur, peut-être ?»« Non. Notre facteur est une femme qui utilise une voiture la plupart du temps. » Alors il y a là un mystère, puisque Pronzati ne voit pas non plus qui aurait pu venir. De toute façon, il a bien fallu que quelqu'un lui ouvre le portail. On ne peut pas faire autrement pour entrer chez moi. Bon, laissons tomber ça pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet du meurtre ?»« Je suis effondré. » Ça faisait si longtemps que nous nous connaissions. C'était ma famille, en quelque sorte. Il faut croire que le meurtrier s'est acharné sur le couple. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Vous dites le meurtrier. Vous supposez donc que c'est la même personne qui a assassiné l'ex-mari et la femme ? Bah, je sais pas. Ça paraît logique, non? En tout cas, si c'est la même personne, elle aura forcément utilisé une arme différente pour tuer Anna, puisque vous détenez toujours mon fusil. Kaneparo enveloppait toujours Jejiga de son regard paternel et protecteur, qui avait le don d'énerver le lieutenant au plus haut point. Elle décida de changer de stratégie. « Bon, monsieur Kaneparo, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous allez bien m'écouter et je vais vous expliquer ce que je pense, moi. »« C'est bien vous qui avez assassiné monsieur Anzilouti. Mais au lieu de cacher votre arme ou de vous en débarrasser, au lieu de faire disparaître les cartouches qui restaient, vous avez sciemment laissé en évidence toutes les preuves qui pouvaient vous accuser. Votre culpabilité apparaissait comme trop évidente et par conséquent, nous arrivions à la conclusion que vous ne pouviez être l'assassin. C'est malin, mais la criminologie a fait des progrès. Et ce n'est pas la première fois qu'un assassin utilise ce stratagème. Je ne crois pas que le juge s'y laissera prendre. » Le regard de Kaneparo changea brusquement et devint dur et glacé. Ses yeux dévisagèrent Jejiga comme s'il cherchait par quel bout il allait écraser cet animal nuisible. « Baza, pauvre fille. Ce sont des gens comme vous qu'on recrute maintenant dans la police ?»« Ah ben, elle est belle, la France. » Jejiga se cabra sous l'offense. « Vous insultez un fonctionnaire de police, monsieur Kaneparo ?»« Et vous aussi, vous m'insultez, mademoiselle. Vous n'en avez pas le droit. » « Où est le capitaine? C'est à elle que je vais avoir affaire. » »« Vous verrez le capitaine Pérez en dehors du service et quand l'interrogatoire sera terminé. » Kaneparo ne voulait pas se laisser manipuler si facilement par une jeunette qui s'en croyait. Il décida de contre-attaquer. « Et pour Anna, alors? Dites-moi comment j'ai fait, puisque vous savez tout. Pour Anna, je ne sais pas. Mais nous trouverons. » Lèvres revint dans le bureau en sautillant. Il regarda alternativement le lieutenant et Kaneparo en dodelinant de la tête. « Ben alors, où on en est depuis tout à l'heure ? Je me fais insulter, » rétorqua Kaneparo. « Je vous signale, lieutenant, que M. Kaneparo se demande comment quelqu'un comme moi a pu être recruté dans la police. Et c'est lui qui se dit insulté. Non mais je rêve !» Lèbre avait entendu depuis le bureau d'à côté que l'interrogatoire avait légèrement dérapé. Jejiga avait essayé de brusquer un peu les choses, mais avec des sabots un peu trop lourds. Ne voulant pas désavouer sa collègue en lui demandant d'aller voir ailleurs, il s'assit entre elle et Kaneparo, les coudes sur le bureau, et les regarda alternativement comme s'il s'immisçait dans une conversation de bistrot. « Bon, ce n'est pas bien méchant tout ça. Allez, monsieur Kaneparo, si nous parlions un peu de votre jeunesse, de votre enfance en Italie. » L'homme essaya de se détendre et de se maîtriser. Il respira profondément et baissa le regard, comme s'il plongeait au fond de lui-même. « J'ai perdu mon père très jeune, de la tuberculose. Nous étions une famille très pauvre, et ma mère a dû faire des ménages pour m'élever. Dès que j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à travailler comme commis chez les commerçants du coin. Quand j'avais un moment, j'allais donner un coup de main au forgeron. J'aimais bien le travail du fer. Puis je suis devenu son apprenti, mais quand j'ai eu 20 ans, j'ai perdu ma mère. Alors j'ai attendu ma majorité pour émigrer en France et tenter ma chance. Voilà. Vous voyez, c'est banal. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Bien, monsieur Kaneparo, nous allons finaliser votre déposition et nous en rendrons compte au juge. En attendant, vous êtes libre, bien sûr, mais vous restez à la disposition de la justice. Je vous raccompagne. » Dans le couloir, Kaneparo croisa le capitaine et ses yeux s'agrandirent comme s'il venait enfin de trouver le Messie. « Michel, il faut m'aider. Ne vous inquiétez pas, j'ai du nouveau en votre faveur. « Ça va aller, j'en suis sûr. » Jejiga avait bien conscience qu'elle avait raté son interrogatoire. Mais de retour dans le bureau, Lèvre lui certifia que ce n'était pas grave, car de toute façon, Kaneparo ne pouvait pas réagir autrement qu'en s'énervant. Il était évident que les charges contre lui étaient trop accablantes et qu'il ne pouvait que clamer son innocence. Par ailleurs, son alibi pour l'après-midi du crime n'était pas vérifiable. Un point, c'est tout. Peu après, Pérez entra dans le bureau, un sourire aux lèvres, et tint en substance le même discours à Jejiga, ce qui la rassura un peu. « Vous êtes contente, capitaine, parce qu'on n'a rien réussi à prouver contre votre Kaneparo. »« Mais non, Nigaud, j'ai là du nouveau, du tout frais, » dit-elle en brandissant une liasse de papier. « C'est le rapport complet de l'équipe technique. Va chercher les autres, lèvres. Nous allons dans le bureau du patron. » Vous allez en prendre connaissance tous en même temps, et après, on pourra en discuter ensemble. C'est de la dynamite, je vous dis. »